vie de saint Augustin, par Possidius, évêque de quelle âme, son disciple, édition Louis Vivès, Paris 1872. Chapitre 21. Dans quel esprit il assistait au concile? Quand il s'agit d'ordonner des prêtres, on doit surtout prendre pour règle le vœu de la majorité des fidèles de l'Église, et s'en tenir à la coutume. Il assista, autant qu'il put, au saint concile tenu par le clergé dans différentes provinces, cherchant, dans ses assemblées, non son propre intérêt, mais celui de Jésus-Christ, soit qu'il fallût maintenir l'inviolabilité de la foi de la Sainte Église catholique, soit qu'il s'agit d'absoudre ou de rejeter des prêtres ou des clercs justement ou injustement excommuniés. Dans l'ordination des prêtres et des clercs, il pensait qu'on devait prendre le vœu de la majorité des fidèles et suivre la coutume de l'Église. Chapitre 22. Quel fut Augustin dans le vêtement et le vivre? Dans ses habits, ses chaussures et son coucher, il gardait la simplicité et la convenance que réclamait son état. Il s'y montrait aussi éloigné d'un soin excessif que d'une négligence sordide, comme les hommes qui ordinairement émettent une vaine jactance ou une négligence excessive, recherchant dans ces deux cas leur propre intérêt, et non celui de Jésus-Christ. Pour lui, je le répète, il tenait un juste milieu, et n'inclinait trop ni à droite ni à gauche. Sa table était modeste et frugale. Quelquefois avec les herbes ou les légumes on servait de la viande, pour les étrangers et les malades, il y avait toujours du vin. Car il savait, et enseignait, d'après l'apôtre, que tout ce que Dieu a créé est bon, et qu'il ne faut rien rejeter de ce qui se mange avec action de grâce parce qu'il est sanctifié par la parole de Dieu, et par la prière. 1 Timothée 4, 4 et 5, et, comme il l'a écrit lui-même dans ses confessions, il disait « Je ne crains pas l'impureté de l'aliment, je crains l'impureté de la convoitise. » Car je sais qu'il fut permis à Noé de manger de toute chair propre à la nourriture de l'homme. Je sais qu'Élie aussi a mangé de la chair, que Saint Jean même, cet homme d'une abstinence si admirable, n'a fait nulle difficulté de se nourrir d'animaux, car il mangea des sauterelles, et qu'il n'en a pas été moins pur pour cela. Et je sais au contraire qu'Ésaü a perdu ses avantages pour avoir succombé à l'envie de manger des lentilles, que David qui n'avait désiré qu'un peu d'eau, en a été repris, et que lorsque le démon tenta notre roi il lui proposa seulement de manger du pain non de la chair. Je sais enfin que ce ne fut pas pour avoir eu envie de manger de la chair, mais pour s'être abandonné à cette envie jusqu'à murmurer contre Dieu dans le désert, que le peuple en courut son indignation. Confession, livre 10, chapitre 31. Pour ce qui concerne le vin, il s'en tenait à ce mot de l'apôtre à Timothée, « Ne continuez plus de ne boire que de l'eau mais usez d'un peu de vin à cause de votre estomac. » et de vos fréquentes maladies, 1 Timothée 5, 23. Il se servait de cuillères d'argent mais les plats dans lesquels on apportait les mets sur la table étaient de terre, de bois, et de marbre non par nécessité, et par indigence mais parce qu'il le voulait ainsi. Il pratiqua toujours l'hospitalité. À table, il préférait la lecture ou la discussion au boire, et au manger. Et pour en bannir la peste de la médisance il avait fait écrire dans le réfectoire ces deux vers, que celui qui par sa médisance se plaît à déchirer la vie des absents, apprenne qu'il n'est pas digne de s'asseoir à cette table. Les convives étaient ainsi avertis de s'abstenir de toute médisance et de tout entretien frivole ou mauvais. Quelques-uns de ses amis intimes, de ses collègues même dans l'épiscopat, oubliant un jour cette sentence, et parlant sans en tenir compte, il les reprit vivement, et s'écria tout ému, qu'il allait effacer ses vers du réfectoire, ou se lever de table, et se retirer dans sa chambre. J'étais présente avec plusieurs autres quand ce fait s'est passé. Chapitre 23. L'usage qu'il faisait des revenus ecclésiastiques. Il n'oublia jamais les pauvres, et pourvoyait à leurs besoins, avec les mêmes ressources auxquelles il avait recours pour lui, et pour ceux qui habitaient avec lui, c'est-à-dire ou bien avec les revenus de l'Église, ou avec les offrandes des fidèles. Et si la vue de ses biens, comme il arrivait quelquefois, excitait l'envie du peuple contre le clergé, il s'adressait aux fidèles, et leur disait qu'il aimait mieux vivre des offrandes du peuple de Dieu, que d'avoir à supporter le soin, et l'administration de ses biens, et qu'il était prêt à renoncer à ses biens afin que tous les serviteurs, et les ministres de Dieu, vécussent de la manière indiquée dans l'Ancien Testament. Deutéronome 18:1, c'est-à-dire que ceux qui servaient à l'autel vécussent de l'autel, mais les laïcs ne voulurent jamais accepter ces biens. Chapitre 24. Comment il administrait sa maison. Parmi les dons et les legs faits à l'Église, il y en a qu'il acceptait, et d'autres qu'il refusait. Il aurait toujours voulu avoir l'esprit libre du soin des choses temporelles. Il donnait, et confiait tour à tour, aux clercs les plus capables, le soin de la maison de l'Église, et l'administration de ses biens. Il n'eut jamais en main, ni clé ni anneau, mais ceux qui étaient préposés aux soins de la maison mettaient en écrit tout ce qu'ils recevaient, et tout ce qu'ils dépensaient. À la fin de l'année on lui soumettait les comptes pour qu'il sût combien on avait reçu, et dépensé, et combien il restait de disponible. Et pour beaucoup de titres, il s'en rapportait à la bonne foi de celui qu'il avait mis à la tête de la maison, plutôt qu'il ne s'en rendait compte, et vérifié par lui-même. Il ne voulut jamais acheter ni maison, ni champ, ni villa, mais s'il arrivait que quelqu'un fît, de lui-même, à l'Église, un don ou un legs de cette nature, Augustin ne le refusait pas, mais il ordonnait de l'accepter. Pourtant, nous savons qu'il refusa plusieurs héritages, non parce qu'il ne pouvait être utile aux pauvres, mais parce qu'il lui paraissait juste et équitable que les enfants, les parents ou les alliés du défunt qui avaient été privés par la volonté du mort le possédassent plutôt que lui. Un honorable citoyen d'Hippone, qui habitait Carthage, ayant donné ses biens à l'église d'Hippone, fit faire un écrit d'une donation avec réserve d'usufruit, et l'envoya à Augustin de sainte mémoire. Celui-ci accepta le don avec plaisir, et félicita le donateur de s'être souvenu de son salut éternel. Quelques années plus tard, nous nous trouvions avec Augustin quand le donateur lui fit remettre une lettre, par son fils, en le priant de remettre à ce dernier l'acte de donation. En même temps, il lui donnait 100 pièces d'or pour les pauvres. À cette nouvelle, le saint se prit à gémir de ce que cet homme avait faim une donation ou de ce qu'il s'était repenti de sa bonne œuvre. Puis, après lui avoir dit tout ce que Dieu inspirait à son cœur, dans la douleur que lui causait cette réclamation, pour blâmer et corriger cet homme, il lui rendit les tablettes qu'il en avait reçues sans aucun regret et sans rien exiger. et refusa l'argent qu'il lui faisait offrir. Puis il lui écrivit, comme il le devait, pour le reprendre, et le corriger en l'engageant à satisfaire à Dieu pour sa feinte ou son iniquité, dans les sentiments d'une humble pénitence pour ne pas quitter ce monde chargé d'un si grand péché. Il disait aussi très souvent que l'Église devait recevoir avec plus de sécurité et de sûreté les legs faits par les défunts que des héritages qui pouvaient amener des contestations et des charges, et que, pour les legs, ils devaient être offerts bien plus tôt qu'exigés. Ils ne recevaient pas de dépôt, mais ils n'empêchaient pas que les clercs qui le voulaient bien en reçussent. Quant aux biens et aux possessions de l'Église, il ne s'en occupait point par attrait et ne s'y absorbait point, mais, tout entier à des choses plus grandes et spirituelles, il ne se distrayait et ne se reposait que rarement de la pensée des choses divines pour s'occuper de celles de la terre. Lorsque tout était disposé et mis en ordre, il s'éloignait de ses affaires importunes et absorbantes. Il se réfugiait par la pensée dans des choses intérieures et plus relevées de l'esprit. Il méditait alors sur la doctrine divine ou dictait le fruit de ses méditations, ou bien il corrigeait ce qu'il avait dicté ou recopié. Il exécutait le jour ce travail qu'il avait préparé la nuit. Il ressemblait à la très pieuse Marie, type de l'Église céleste, dont il est écrit qu'elle était assise aux pieds du Sauveur, écoutant attentivement sa parole, tandis que sa sœur, qui se plaignait de ce qu'elle ne l'aidait point dans ses nombreuses occupations, entendait cette réponse: « Marthe, Marthe, Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera point ôtée. » Luc 10, 39 à 41. Augustin ne voulut jamais élever de nouvelles constructions pour ne point y voir absorber son esprit qu'il voulait tenir libre de toute préoccupation temporelle. Cependant, il n'empêchait pas de construire ceux qui en avaient le goût à moins qu'ils ne s'y livrassent sans mesure. Lorsque l'argent de l'Église venait à manquer, il faisait savoir au peuple chrétien qu'il n'avait plus rien à donner aux pauvres. Pour racheter les captifs et soulager les indigents, il ordonnait souvent de briser les vases sacrés et de les fondre pour venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Je ne rapporterai point cela si je n'avais pas vu qu'en agissant ainsi il allait contre le sens charnel de quelques-uns. Ambroise, de vénérable mémoire, a dit aussi, et écrit, Office, livre 3, chapitre 18, que, dans de telles occasions, il ne fallait pas hésiter à agir de même lorsque les fidèles négligeaient le tronc et le secrétariat d'où on tirait ce qui était nécessaire au culte. Il en faisait quelquefois la remarque. Dans les exhortations qu'il faisait à l'Église, comme il nous a dit un jour ce que le bienheureux Ambroise avait fait à l'Église en sa présence. Chapitre 25. La règle de sa maison. Châtiment de ceux qui recouraient au serment. Les clercs vivaient toujours avec lui dans la même maison, et à la même table, nourris, et vêtus à frais communs. Pour qu'on ne tombât point dans le parjure en se laissant aller trop facilement à faire des serments, il disait au peuple dans l'Église, et recommandait aux siens de ne jamais en faire même à table. Si quelqu'un tombait dans cette faute, il perdait une des portions qui lui étaient assignées. Car ceux qui demeuraient, et vivaient avec saint Augustin, étaient rationnés pour cela. Il reprenait, et supporter les infractions des siens à la règle, et aux convenances autant qu'il était à propos, et nécessaire, et recommandait surtout, qu'on ne laissa pas son cœur s'ouvrir à des paroles trompeuses pour excuser sa faute. Psaume 140:4. Si quelqu'un, disait-il, étant sur le point d'offrir son présent à l'autel, se souvient que son frère a quelque chose contre lui, il doit laisser son présent à l'autel, aller se réconcilier avec son frère, et ne venir qu'après cela offrir son présent à l'autel. Matthieu 5, 23 et 24. Mais si lui-même a quelque chose contre son frère, il doit le reprendre à part, et s'il en est écouté favorablement, il aura gagné l'âme de son frère, sinon qu'il prenne une ou deux personnes avec lui. Et si son frère méprise aussi ces derniers, il faut le dire à l'Église, s'il ne lui obéit pas il sera regardé comme un païen, et un publicain. Pardonnez, ajoutait-il, à votre frère coupable, et qui vous demande pardon, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois comme vous priez chaque jour le Seigneur de vous pardonner. Matthieu 18, 15 à 17, 21 et 22. Chapitre 26. De la société des femmes. Aucune femme n'a jamais habité ou demeuré dans sa maison, pas même sa sœur, qui était une veuve, servant Dieu, et qui vécut longtemps, chargée, jusqu'au jour de sa mort, de la conduite des servantes de Dieu, non plus que sa cousine Germaine, et sa nièce, consacrée également au service de Dieu, quoique ces personnes fussent exceptées de la défense par des conciles de saints évêques. Car, disait-il, bien qu'il ne puisse s'élever aucun mauvais soupçon de ce que ma sœur et mes nièces demeurent avec moi, cependant, comme ces personnes ne pourraient se passer d'avoir avec elles d'autres femmes pour les servir, ni se priver de recevoir les visites de femmes du dehors, il pourrait en résulter un scandale ou une cause de chute pour les faibles. De même, il se pourrait que ceux qui demeureraient avec l'évêque ou avec un autre clerc succombassent à la tentation ou du moins fussent exposés à perdre leur réputation, à cause des mauvais soupçons des hommes, s'ils se rencontraient avec toutes ces femmes, habitant sous le même toit, ou quand ils y viendraient. Aussi disait-il que des femmes ne devaient jamais habiter dans la même maison avec des serviteurs de Dieu, même avec les plus chastes, si on ne veut pas qu'un tel exemple ne soit, comme il a été dit, un scandale ou un sujet de chute pour les faibles. Et si par hasard quelques femmes demandaient à le voir ou à le saluer, il ne les admettait jamais auprès de lui sans être accompagné de quelques clercs, jamais il ne s'entretint seul avec elles, pas même s'il s'agissait de choses secrètes. Chapitre 27. Sa conduite envers les gens abandonnés, et les malades. Belle parole d'Ambroise à ses derniers moments. Autre belle pensée d'un évêque sur le point de mourir contre le désir d'une trop longue vie. Pour ses visites, il suivait le précepte des apôtres, et ne visitait que les orphelins, et les veufs qui étaient dans le malheur. Jacob 1, 27. Cependant, si quelquefois des malades le priaient de venir prier Dieu pour eux, auprès de leur lit, et de leur imposer les mains, il s'y rendait sans retard. Mais il ne visitait jamais les monastères de femmes à moins d'une nécessité urgente. Il disait aussi qu'on devait dans sa vie et ses mœurs pratiquer ce qu'il avait vu dans les institutions d'Ambroise de sainte mémoire, ne jamais demander une femme en mariage pour personne, ne point engager à l'état militaire ceux-même qui voulaient l'embrasser, et enfin ne point assister dans la ville au festin auquel il serait invité. Il donnait ainsi la raison de chacune de ses recommandations. C'est, disait-il, de peur que les époux, venant à se quereller entre eux, ne maudissent celui qui les avait unis. Cependant, si deux futurs époux, d'accord pour se marier, s'adresse à un prêtre pour qu'il les unisse, il est de son devoir de confirmer ou de bénir leur consentement. De même pour celui qui aurait été porté à l'état militaire, il ne voulait pas, s'il venait à se conduire mal, qu'il pût en faire retomber la faute sur celui qui l'aurait poussé dans cette carrière. Enfin, il craignait qu'en acceptant trop souvent d'aller à ses festins dans son pays, il ne vint à perdre l'habitude de la tempérance. Il nous racontait aussi qu'il avait entendu de la bouche même d'Ambroise de bienheureuse mémoire, au déclin de sa vie une réponse très pieuse, et très sage qu'il louait beaucoup, et se plaisait à redire. C'était pendant sa dernière maladie. Les principaux fidèles entouraient son lit. En voyant qu'il allait quitter ce monde pour aller à Dieu, il se désolait à la pensée que l'Église allait être privée de la parole d'un si grand et si excellent évêque, et de la dispensation des sacrements de Dieu. Il le priait avec larmes de demander au Seigneur une prolongation de vie. Mais il leur répondit, « Je n'ai pas vécu de manière à rougir de vivre au milieu de vous, mais je ne crains pas de mourir, parce que nous avons un Seigneur miséricordieux. » Et dans sa vieillesse, Augustin admirait, et louait la mesure, et la justesse de ses paroles. Voici, en effet, comment il faut comprendre ce qu'Ambroise a dit. « Je ne crains pas de mourir, c'est parce que nous avons un Dieu miséricordieux. » Et pour qu'on ne crût pas qu'il présumait avec trop de confiance de la pureté de ses mœurs, il disait « Je n'ai pas vécu de manière que j'aie honte de vivre au milieu de vous. » Il s'était exprimé ainsi, en pensant à ce que les hommes pouvaient savoir d'un homme comme eux. Car en pensant au jugement de la justice divine, il dit qu'il se confiait davantage en la miséricorde du Seigneur, à qui il disait chaque jour dans l'oraison dominicale « Pardonnez-nous nos offenses. » Matthieu 6, 12. Il nous racontait très souvent aussi les paroles sur le même sujet d'un de ses collègues dans l'épiscopat, son ami intime, arrivé à l'article de la mort. Étant allé le voir sur son lit de mort, l'évêque fit signe de la main qu'il sortirait bientôt de ce monde. On lui répondit qu'il pourrait encore vivre, car il était nécessaire à l'Église, alors pour ne pas paraître retenu par l'amour pour la vie, il dit « Si je ne dois jamais mourir, c'est bien, mais, si je dois mourir un jour, pourquoi pas maintenant ?» Augustin admirait cette pensée, et louait cet homme de l'avoir exprimée, car cet homme, il est vrai, craignait Dieu, mais élevé dans la ville où il était né, il n'avait pas beaucoup étudié dans les livres. Il n'en était pas de même de cet évêque malade, dont le martyr Cyprien parle ainsi dans sa lettre sur la mort. Un de nos collègues dans le sacerdoce, accablé d'infirmité, et inquiet de sa mort prochaine, demandait à Dieu de prolonger sa vie. Alors un jeune homme, haut de taille, d'un aspect distingué, et d'un port majestueux, tel, en un mot, que des yeux mortels pouvaient à peine en supporter la vue, excepté celui qui allait bientôt sortir de ce monde, se tint debout près du moribond, quand il faisait à Dieu cette demande, d'une voix émue par une espèce d'indignation, il lui dit avec vivacité, « Vous avez peur de souffrir, et vous ne voulez pas mourir, que ferai-je de vous ? Chapitre 28. Derniers ouvrages d'Augustin avant sa mort. Les livres des rétractions. Invasion des barbares. Siège d'Hippone. Peu de temps avant sa mort, il fit une revue de tous les livres qu'il avait écrits et publiés dans les premiers temps de sa conversion, lorsqu'il n'était encore que laïque, puis étant prêtre, puis évêque, et il retoucha et corrigea lui-même tout ce qui lui parut s'écarter de la règle de l'Église dans les ouvrages qu'il avait dictés ou écrits alors qu'il connaissait moins les usages de l'Église et avait moins de science. Cela lui donnait matière à deux volumes qu'il intitula « Révision de mes livres ». Il se plaignait de ce que certains de ses frères lui avaient enlevé quelques livres, avant qu'ils fussent corrigés avec soin, bien qu'il les eût corrigés plus tard. La mort l'empêcha de mettre la dernière main à quelques-uns de ses livres. Voulant être utile à tous, tant à ceux qui pouvaient lire beaucoup qu'à ceux qui ne le pouvaient pas, il fit un choix dans les deux testaments, dans l'Ancien et dans le Nouveau, de ce que la loi divine prescrit ou défend pour la règle de la vie. Il y mit une préface, et en fit un livre, que put lire quiconque en aurait le désir, et dans lequel il lui serait possible de voir s'il obéissait ou désobéissait à Dieu. Augustin voulut que cet ouvrage s'appelât le miroir. Cependant, peu de temps après, Dieu, par sa volonté et sa puissance, permit que des hordes innombrables de barbares, vandales et alains, auxquels s'étaient joints les Goths et d'autres barbares de différentes nations, venant des côtes d'Espagne, par mer fondissent sur l'Afrique. Après avoir parcouru la Mauritanie tout entière, ils arrivèrent dans nos contrées et dans nos provinces, portant partout où ils passaient le ravage, le pillage, les massacres, les incendies, et une foule de maux épouvantables, ne considérant ni le sexe ni l'âge, n'épargnant même ni les prêtres, ni les ministres du Seigneur, non plus que les ornements des temples, les vases sacrés, et les saints édifices même. L'homme de Dieu ne partageait pas les pensées et les sentiments des autres au sujet des brigandages et des dévastations de si féroces ennemis, mais, remontant plus haut ou descendant plus profondément dans ses réflexions, il y prévoyait de grands dangers et même la mort pour les âmes. Et comme il écrit que plus on a de science, plus on a de peine, et que la science est un ver rongeur qui pénètre jusqu'aux os. Ecclésiaste 1, 18. Les larmes furent plus que jamais sa nourriture le jour et la nuit. Psaume 61, 11. Les derniers jours d'une vie arrivée au terme d'une vieillesse avancée s'éteignaient dans l'amertume et la douleur. En effet, il voyait les villes assiégées et prises, les habitants des villes périssant sous les ruines de leurs demeures, quand ils ne tombaient pas sous le fer ennemi, ou, mis en fuite, les églises étaient privées de prêtres et de ministres, les vierges sacrées et tous les religieux dispersés. Les uns expiraient dans les tourments, les autres étaient frappés du glaive, d'autres envoyés en captivité, et après avoir vu s'affaiblir leur âme aussi bien que leur corps, après avoir vu leur foi ébranlée, obligés de servir un ennemi aux mœurs dures et farouches, les hymnes et les louanges du Seigneur avaient cessé de se faire entendre, les édifices sacrés étaient brûlés en plusieurs endroits, et les sacrifices solennels dus à Dieu rendus impossibles dans les lieux consacrés au culte. Les sacrements étaient abandonnés, et on ne pouvait les recevoir faute de ministres pour les donner à ceux qui les demandaient. Il y avait des hommes qui s'enfuyaient dans les montagnes, les forêts, les grottes, et les cavernes, ou dans quelques forteresses. Les uns étaient forcés de se rendre, et massacrés, les autres, privés ou dépouillés de tout moyen de soutenir leur existence, finissaient par mourir de faim. Les évêques, et les clercs qui, par un bienfait de Dieu, n'avaient point rencontré les barbares ou s'étaient échappés de leurs mains, dépouillés de tout, réduits à l'indigence, obligés de mendier, ne trouvaient pas de quoi subvenir à leurs besoins, ou même seulement de quoi se soutenir. Des innombrables églises d'Afrique, à peine trois seulement restaient debout, c'était celle de Carthage, d'Hippone, et de Cirta, qu'une protection spéciale de Dieu avait préservée de la ruine, et dont les villes soutenues par le secours d'en haut, et par le courage de leurs habitants subsistaient encore au milieu de ces ruines. Hippone, cependant, après la mort du Saint-Évêque, fut abandonnée par ses habitants, et brûlée par les barbares. Augustin, témoin, de ses malheurs, s'en consolait par cette pensée d'un sage. Ce n'est pas être grand que de trouver grand que les pierres, et le bois des édifices s'écroule, et que des mortels meurent. Augustin, dans sa profonde sagesse, versait donc chaque jour d'abondantes larmes sur de tels maux. Son chagrin et ses lamentations s'accrurent encore quand il vit Hippone, jusqu'alors épargné, assiégé par ses barbares. Boniface, avec une armée de Goths alliés, avait été chargé de défendre la ville, qui resta armée et assiégée près de 14 mois, sans pouvoir communiquer au dehors, même du côté de la mer. Nous-mêmes, nous avions quitté le voisinage d'Hippone avec nos coadjuteurs, et nous nous étions réfugiés dans cette ville, où nous restâmes tout le temps du siège. Aussi avions-nous souvent avec lui des entretiens où nous considérions les jugements redoutables du Très-Haut, que nous avions sous les yeux, et nous disions « Vous êtes juste, Seigneur, et votre jugement est équitable. » Psaume 118-137. Dans notre douleur, au milieu de nos gémissements et de nos larmes, nous adressions nos prières au Père de miséricorde et au Dieu de toute consolation, 2 Corinthiens 1-3, afin qu'il daigne à nous soulager dans les tribulations où nous étions tous plongés. Chapitre 29. Dernière maladie d'Augustin. Un jour, étant à table avec Augustin, il nous dit dans le cours de la conversation, « En présence de ces calamités, je demande à Dieu de délivrer cette ville du siège, ou, si tels ne sont pas ses desseins, de donner à ses serviteurs le courage nécessaire pour accomplir sa volonté, ou tout au moins de m'enlever de ce monde, et de me recevoir dans son sein. » Après ces paroles, et selon sa prière, nous adressâmes les mêmes vœux au Tout-Puissant, nous, nos coadjuteurs, et tous les ecclésiastiques qui se trouvaient dans cette ville. Le troisième mois du siège, la fièvre l'obligea de se mettre au lit. Il était atteint d'une maladie qui fut la dernière. Le Seigneur avait sans doute écouté la prière de son serviteur, car il obtint pour lui, et en son temps pour la ville, ce qu'il lui avait demandé avec larmes. J'ai appris aussi que ce saint évêque priait de réclamer l'assistance du ciel pour de malheureux énergumènes, suppliait le Seigneur avec larmes, et obtint la délivrance de ses possédés. Une autre fois, un homme vint le trouver malade au lit. Cet homme lui amenait un malade et le priait de lui imposer les mains pour le guérir. Augustin répondit que s'il avait quelque pouvoir sur les maladies, il aurait commencé par se guérir lui-même. L'autre lui repartit qu'il avait eu une vision et qu'il lui avait été dit, en songe, « Va trouver Augustin, il imposera les mains à ton malade et le guérira. » À ces paroles, le saint ne résiste pas davantage et fait ce qu'on lui demande. Le Seigneur guérit le malade qui s'éloigna en parfaite santé. Marc Emdan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.